auditeurs assidus de la méthode scientifique, vous avez entendu passer depuis un peu plus d'un an à l'antenne quelques perspectives pas forcément toutes roses. Un réchauffement climatique impossible à brider, des catastrophes naturelles de plus en plus violentes, une sixième extinction de masse en cours provoquée par l'homme sur son environnement. Le casse-tête agronomique que représente le fait de nourrir 10 milliards d'êtres humains, ajoutez à cela l'omniprésence du plastique, l'improbable devenir des déchets nucléaires et une intelligence artificielle galopante qui va peu à peu remplacer nos emplois, l'effondrement est à notre porte, bienvenue dans le monde d'après. Science du pire, c'est la question que nous allons tâcher de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer cet effondrement systémique que certains estiment aujourd'hui est désormais inévitable, eh bien nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Mignereau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences humaines, fondateur et président de l'association Adrastia. Vous avez publié récemment Transition 2017, réformer l'écologie pour nous adapter à la réalité. C'est aux éditions, c'est sur votre site adrastia.com. Tout à fait. Et nous avons le plaisir de recevoir Laurent Testeau. Bonjour. Bonjour Nicolas Martin. Vous êtes journaliste, auteur de Cataclysme, histoire environnementale de l'humanité aux éditions Payot. Vous pouvez nous suivre comme chaque jour sur les ondes et en direct sur notre fil Twitter @laméthodefc. L'esprit européen a transformé le monde pour avoir su coordonner, après des siècles de tâtonnements, le savoir avec le pouvoir, la connaissance théorique avec action exactement déterminée. C'est là un événement capital de l'histoire humaine. La face de la Terre en est changée, la vie individuelle et collective profondément affectée. Mais par là, nous sommes éloignés de plus en plus des conditions primitives de l'existence naturelle et nous voici entraînés dans un état des choses dont la complexité, l'instabilité, l'insécurité, le désordre caractéristique nous égarent, nous interdisent la moindre prévision, nous ôtent toute possibilité de raisonner sur le passé pour en déduire quelques lueurs sur le futur. Nous constatons d'ailleurs, bien facilement, dans tous les domaines de l'activité, dans tous les ordres du savoir, comme du pouvoir humain, les caractères des phases critiques. Crise de l'économie, crise de la science, crise dans les lettres et les arts, crise des formes politiques, crise dans les mœurs. Crise, c'est-à-dire coexistence et conflit de tendances et d'idées contradictoires, de volontés ou de conditions antagonistes, mais inséparables. Les contradictions et les inconséquences de nos idées et de nos actes nous sont devenues comme essentielles et témoignent d'un désordre intime que j'ai résumé par cette expression de phase critique. Un homme moderne, et c'est en quoi il est moderne, vit familièrement avec une quantité de contraires établis dans la pénombre de sa pensée et qui viennent tour à tour sur la scène, à moins qu'il ne se dispute son pouvoir d'agir. Et le monde qui l'entoure, le monde moderne, dans toute sa puissance, en possession d'un capital technique prodigieux, entièrement pénétré de méthodes positives, riche d'une érudition et d'une information considérable savamment organisée, ne sait toutefois se faire une politique, une morale, un idéal, ni des lois, ni des manières, qui soient en harmonie, d'une part avec ce que l'homme garde d'humain, d'autre part avec les modes de vivre et de penser que le développement des connaissances et de leurs applications impose peu à peu à tous les hommes. Voilà la phase critique exposée par Paul Valéry dans son exposé sur la civilisation du XXe siècle. On est dans les années 20, ce qui laisse entendre tout de même, quand on entend cette archive, Vincent Mignereau, Laurent Testeau, qui laisse entendre que l'annonce d'une catastrophe imminente et systémique ne date pas vraiment d'aujourd'hui. Oui, alors là, Laurent Testeau sera plus précis que moi sur cette question-là, mais la question, on ne va pas parler d'apocalypse encore, mais la question de finitude, et en particulier liée à la fin de l'approvisionnement des ressources, est une question très ancienne dans l'humanité, effectivement. Laurent Testeau, sur cette archive de Paul Valéry. Je dirais qu'il ne faut pas confondre les temporalités, c'est-à-dire que Paul Valéry est quasiment notre contemporain dans l'histoire longue, et donc il était déjà dans cette réflexion-là, et on peut dire que son message prend d'autant plus d'ampleur qu'il avait parfaitement vu les maux de notre civilisation. Mais ce qu'on entend chez Paul Valéry et ce qu'on retrouve hein, à plusieurs endroits, même presque depuis la révolution industrielle un peu, hein, c'est-à-dire l'annonce d'une catastrophe imminente liée à l'exploitation des ressources, à un certain nombre de critères qu'on va définir tout au long de cette heure, on entend l'annonce de la catastrophe et la catastrophe n'advient pas. Alors, elle aurait pu advenir à la fin du 20e siècle, du 19e siècle, pardon, au moment où on entrait dans le 20e siècle. Il y avait quelques esprits éclairés qui disaient, attention, la croissance démographique est telle, nous n'allons pas avoir les moyens de nourrir tout le monde, et on prévoyait que l'humanité allait entrer dans une guerre totale pour les ressources dans les années 1930. Ça n'a pas eu lieu grâce à la Première Guerre mondiale, parce que des chercheurs allemands se sont acharnés à faire, à maîtriser le cycle de l'azote, à maîtriser les gaz de combat. Il en est né, à partir des années 1950, l'exploitation intensive du milieu par l'agriculture industrielle qui a pu nourrir la croissance démographique de l'humanité. En l'espace de 120 ans, nous sommes passés de 1 à 7 milliards et demi. Et voilà. Mais on vise les 10 milliards à l'horizon 2050, vraisemblablement entre 2050 et 2100. Mais alors, pour parler d'aujourd'hui, cette science du pire que j'évoquais dans l'introduction de cette émission, elle s'est trouvée un nom. Il faut parler aujourd'hui de collapsologie. Est-ce que vous pouvez m'expliquer l'un et l'autre qu'est-ce que c'est exactement que cette collapsologie, Vincent Mignereau? Alors tout d'abord, il faut remercier Raphaël Stevens et Pablo Servigne d'avoir inventé ce concept. On va entendre dans quelques instants, Pablo Servigne. Absolument. Et si je devais donner ma propre interprétation de la notion, de cette potentielle nouvelle discipline scientifique, je dirais qu'elle est là pour confronter des données assez élémentaires, des principes assez élémentaires de physique avec la réalité contemporaine de l'évolution de nos sociétés, de l'humanité. Alors, trois de ces principes. Tout d'abord, la finitude de notre planète, le fait que nous soyons strictement dépendants de l'énergie et le fait aussi que les problématiques auxquelles nous nous confrontons sur le plan écologique soient irréversibles. Ces trois principes-là sont parfaitement vérifiables par vous-même dans votre cuisine, si je peux me permettre d'illustrer ces principes. Votre placard est vide, il est vide strictement physiquement, vous avez nourri toute votre famille pendant la semaine. S'il n'y a pas un supermarché pour remplir votre placard à nouveau, vous n'avez plus à manger. Ça, c'est vérifiable chez vous. Si vous laissez votre plante dans votre salon et que vous fermez tous les volets, son approvisionnement énergétique manquant, elle va finir par dépérir puis mourir. Le principe d'irréversibilité, c'est faire un gâteau, le cuire trop, malencontreusement, et vérifier expérimentalement que vous ne pouvez pas récupérer les ingrédients pour en faire un nouveau. Donc la collapsologie, c'est s'ancrer finalement dans des savoirs scientifiques assez anciens, très éprouvés, que tout le monde peut vérifier pour estimer de l'avenir de l'humanité. On entend, hein, Vincent Mignereau, vous parler de discipline scientifique, c'est quelque chose qui fait un peu débat dans la communauté scientifique. Est-ce qu'il faut parler de collapsologie comme une science à part entière? Est-ce qu'il faut en parler, Laurent Testeau, comme une discipline qui puise dans la littérature scientifique? Où mettre le curseur exactement? C'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas la réponse. C'est un ensemble de savoirs apportés par les sciences humaines et les sciences exactes qu'il faut travailler. Donc oui, c'est une nouvelle discipline, on peut dire. Une nouvelle discipline qui puise autant dans la science dite dure que dans les sciences humaines, dans la sociologie, dans l'anthropologie, dans l'ethnologie. Ça balaye quand même très très large, cette transdisciplinarité trop large. Est-ce que c'est pas un peu un écueil de vouloir piocher et de manger comme ça aussi dans tout ce corpus scientifique qui est très très vaste? La planète et l'humanité sont deux choses extrêmement vastes et vous ne pourrez les comprendre que si vous associez toutes les disciplines qui s'efforcent de les comprendre, et particulièrement pour étudier leur interaction, parce que c'est de là dont dépend notre futur. Alors on va reparler un point par point des éléments que vous avez évoqués, notamment Vincent Mignereau, et des études qui vous permettent d'étayer ce postulat d'un effondrement systémique qui ne nous attend pas, qui a même déjà commencé, dont les racines ont déjà été plantées. Mais avant cela, nous sommes donc, nous, remontés en quelque sorte à la source de la collapsologie. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes allé à la rencontre donc de Pablo Servigne, qui est l'auteur de Comment tout peut s'effondrer, petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes. C'était aux éditions du Seuil, et c'est lui l'inventeur de ce terme de collapsologie. Oui, tout à fait. Et Pablo Servigne est donc un collapsologue, c'est-à-dire qu'il étudie l'effondrement sur la base de publications scientifiques. Alors, il est biologiste de formation, mais il a décidé de se retirer de l'université, du monde académique, pour prendre de la distance et avoir une vision globale du phénomène. Le collapsologue, c'est la personne qui étudie l'effondrement de notre civilisation, pas seulement les civilisations passées, et de manière la plus scientifique possible, mais sans laisser tomber l'intuition aussi. Et on voit tout de suite les thèmes, mais tous ces thèmes, on les traite, on en fait des articles, on en fait des livres aussi, on les expose au public qui a souvent pas accès à cette littérature grise. Le but, c'est vraiment de rester le plus proche possible des faits scientifiques, donc pas seulement pour être crédible, mais aussi pour raconter des histoires précises et lucides sur ce qui nous arrive, ce qui arrive à notre société. Et en même temps, le côté travail chez soi permet de prendre du recul et d'essayer, enfin, de dézoomer pour avoir une idée du tableau global. Et cette idée, comment dire, cette vision globale, elle permet de faire émerger des nouvelles hypothèses. On a d'ailleurs inventé un nouveau mot, la collapsologie, en disant que c'est une discipline, allez, soyons fous. Et en fait, ça prend quelques idées comme ça qui naissent dans ce recul, permettent de faire avancer, j'espère, des laboratoires de recherche où on est invité à des colloques, on est encore en dialogue avec des gens à l'université, et c'est ça qui est enrichissant. Vous faites vraiment un gros travail de synthèse dans différents domaines, la climatologie, l'environnement, l'énergie, la santé même. C'est ça, il y a ce côté transdisciplinaire qui, pour moi, est passionnant. Bon, j'ai une manière de penser comme ça. Le fait de s'être retiré de l'université, c'est aussi, ça a permis de gagner en rapidité, et j'ai pu publier plus vite, et j'ai pu être plus proche de l'actualité, pas de l'actualité, mais des urgences, des catastrophes. C'est pour ça qu'on s'est vraiment intéressé au thème de l'effondrement. Grâce aux publications scientifiques, on a mis des mots sur une intuition qui est largement partagée aujourd'hui par le grand public, et pas que le grand public, il y a les institutions, l'administration, il y a des militaires aussi, il y a des partis politiques. Alors, votre activité vraiment sur la collapsologie, il s'agit de se coordonner quand même entre chercheurs interdépendants, de fournir de la littérature au grand public pour qu'il y ait une sensibilisation et peut-être une action citoyenne. Oui, c'est ça. Nous, Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle et moi-même, on est vraiment sur la littérature grise, donc la littérature scientifique. Et le but, c'est d'arriver à impacter le grand public, à provoquer des déclics, de la même manière que nous, on a eu des déclics quand on a lu ces publications absolument incroyables. Mais lire des publications récentes en climatologie, en biodiversité... Récemment, il y a eu la nouvelle sur 80% des insectes qui auraient disparu en 30 ans. Tout ça, c'est ahurissant, et on veut partager, enfin moi, j'ai le souci de partager le plus clairement possible avec le grand public ces émotions et ces déclics que j'ai en lisant la littérature grise. Mais dans le même temps, vous dites qu'il faut accueillir cet effondrement de manière sereine pour mieux s'y préparer. Alors comment on s'y prépare ? Alors ça, c'est la nouveauté de la collapsologie. On a voulu donc être rigoureux, mais ne pas laisser tomber l'intuition. Et c'est pour ça que la collapsologie accueille aussi les non-universitaires. Et c'est très précieux d'avoir une diversité de personnes. Et aussi, ce qui est important, c'est de faire la place aux émotions et à l'imaginaire. Et les émotions, l'accueil des émotions, de la tristesse, du désespoir, de la peur, de la colère et tout ça, c'est quelque chose qui est jamais présent dans les milieux universitaires, scientifiques en tout cas, au sens large, et jamais présent dans les milieux politiques. Et nous, dans nos conférences, nos ateliers, etc., on met ça sur la table, et ça fait vraiment du bien, ça fait avancer la machine, à tel point que maintenant, on nous invite dans des milieux très sérieux, dans des administrations ou des universités, pour parler d'émotions. Et l'autre question, c'est l'imaginaire, c'est-à-dire comment on se représente l'effondrement, qui est un mot un petit peu obus, pour reprendre le terme de Paul Ariès, qui explose dans la tête des gens de manière très différente. Quand on dit effondrement, il y en a qui vont voir Mad Max, d'autres qui vont voir Walking Dead, des films de zombies, d'autres qui vont voir des choses très très différentes. Et donc, cette manière qu'on a de se représenter le monde et l'avenir, elle est fondamentale à aller travailler. C'est pour ça qu'on est allé voir des études en psychologie, en sociologie, sur le storytelling, sur l'imaginaire, aussi bien que sur les émotions, le deuil et la psychologie du changement. Il y a une notion sur laquelle vous travaillez, c'est la coopération. Dans la nature, on observe la coopération entre différentes espèces. Est-ce que c'est pour vous une piste d'amélioration pour l'ère de post-effondrement ? Oui, clairement. Disons que lors de nos conférences, une question revenait toujours dans le public, c'était est-ce qu'on va tous s'entretuer finalement ? S'il y a trop de catastrophes et s'il y a un chaos social qui s'installe, disons dans les années à venir, et là, en gros, est-ce qu'on va vers un avenir à la Mad Max ? Mon intuition est que peut-être, mais peut-être pas. Et j'ai essayé de démontrer ce peut-être pas. Le fait majeur dans le monde vivant, qu'il y a de l'entraide, de la coopération, des mutualismes, et c'en est même un principe d'évolution du vivant. L'entraide, c'est un facteur d'évolution du vivant, et on a fait la synthèse scientifique de tout ce qui montrait ce principe du vivant. Pour moi, c'est une question fondamentale parce que ça redonne, ça fait du bien, ça redonne confiance dans l'être humain et le monde vivant. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est déjà donner des outils conceptuels pour commencer à créer une culture de la coopération et de l'entraide de manière anticipée pour pas arriver dans les catastrophes avec juste la compétition et l'agression. Je tiens à dire qu'on n'est ni pessimiste ni optimiste et qu'on travaille dans une posture plutôt de lucidité bienveillante. Voilà l'entretien avec Pablo Servigne, l'inventeur donc du mot collapsologie. Alors on entend beaucoup de choses et beaucoup de choses un peu foisonnantes, parfois un peu perturbantes dans cet entretien. On entend beaucoup le mot intuition, on entend les mots émotion, imaginaire, Mad Max, The Walking Dead, se retirer d'un cursus universitaire pour penser librement. On a fait récemment ici dans cette émission qui s'appelle La méthode scientifique, une émission sur les pseudosciences, et je dois dire que là, tous les curseurs sont un peu au rouge quand même, Vincent Mignereau. Oui, alors je vous le fais pas dire d'ailleurs, la musique que vous avez choisie pour l'extrait est assez connotée. Hein, alors ce n'est pas moi qui l'ai choisie, c'est ma réalisatrice, mais je ne sais pas de quelle musique il s'agit. Mais bon, enfin, oui, je pense qu'il faut rester très très vigilant. Alors c'est des points de discussion qu'on a avec Pablo Servigne. Je pense que le concept de collapsologie est précieux et qu'il faut le protéger et qu'il faut le réancrer systématiquement toujours dans la méthodologie scientifique et dans la vérifiabilité. C'est-à-dire que dès lors qu'on parle d'intuition, effectivement, on sort d'un certain champ sémantique potentiel, voilà, et on a une prise de risque méthodologique, on est dans la série épistémique, épistémologie aujourd'hui dans l'émission, il faut être très vigilant. Allez, un petit point, je sais que Pablo et moi on diverge sur cette interprétation là, mais c'est très, très important à préciser, l'entraide c'est précieux, il faut la protéger, il faut la promouvoir, c'est comme ça certainement, assurément que nous allons maintenir la cohésion de nos sociétés. On y reviendra dans la troisième partie de l'émission, mais il faut aussi la recontextualiser dans l'évolution. L'entraide est un moyen et non pas une finalité, et elle n'a pas toujours servi pour le bien. Et l'entraide qu'on observe dans la vie, dans l'animalité, dans ce qui a permis la solidarité du vivant, n'a pas tout à fait le même sens dans l'humanité. Juste un exemple, et Pablo Servigne m'excusera, mais depuis 150 ans, l'humanité ne s'est jamais autant entraidée dans le partage des savoirs et des techniques pour détruire l'environnement. Laurent Testo, sur cette même sur la formation du mot collapsologie, hein, on le disait, je renvoie nos auditeurs à cette émission que nous avions consacrée aux pseudosciences ou aux parasciences. On va mettre le lien sur le fil Twitter. Collapsus plus logos, on crée un mot qui sonne scientifique pour essayer de justifier un propos dont la méthodologie l'est beaucoup moins. Comment et faut-il se méfier de cette collapsologie? Est-ce qu'on a raison quand on entend effectivement certains éléments qui sortent stricto sensu d'une démarche purement scientifique, de se méfier de cette approche-là? Alors, la démarche scientifique, je dirais qu'elle est biaisée par le fait qu'il faut pouvoir l'appréhender. Cela fait maintenant au moins 50 ans qu'on a des rapports scientifiques qui s'accumulent sur les atteintes faites à l'environnement, et cela fait 50 ans que l'on ne fait rien, que les accords économiques minent un peu plus notre monde commun en émettant toujours plus de gaz à effet de serre, etc. C'est-à-dire que les faits scientifiques en eux-mêmes ne servent pas tant qu'ils ne sont pas amenés, soutenus par un récit qui l'emporterait sur les récits, par exemple, des grands bienfaits du commerce, de la main invisible du marché, etc. Et il y a un mot très important dans ce que dit Pablo Servigne, c'est le storytelling. Comment imposer des récits qui puissent enfin contraindre certains à arrêter de répandre des poisons dans notre environnement ou à émettre toujours plus de gaz à effet de serre, ce qui nous amène vers une catastrophe qui est déjà effectivement programmée, on en reparlera un peu plus tard. Il faut arriver à penser effectivement, peut-être en dehors d'une académie qui a fini, d'une université qui a fini par cloisonner tellement les disciplines qu'on a une connaissance très fine, par exemple du système Terre, des climats, etc., mais qu'on n'arrive pas à connecter les deux bouts. Quand des climatologues nous disent « Ah ben si on continue comme on est en train de le faire, on aura plus 6 degrés à la fin du siècle. » Et puis... 6 degrés, c'est l'estimation haute, oui, etc. Oui, 4 à 6. Mais, non, bien sûr, mais enfin, il y a tout de même des recherches académiques transdisciplinaires autour notamment des recherches climatiques, notamment, on peut penser évidemment au GIEC qui a gagné le prix Nobel. Mais pas seulement. Enfin, on a fait ici beaucoup beaucoup d'émissions consacrées à l'environnement, où on sait que les différentes recherches, que ce soit en chimie, en astrophysique, en cosmologie, en météorologie, sont tout de même interconnectés, et effectivement, pour produire le discours qui est un discours établi, que vous notez dans les études, qui sont des études, elles, relativement alarmistes. Mais il y a tout de même une interdisciplinarité qui existe dans le monde académique. Il n'existe aucune interdisciplinarité, par exemple, entre les sciences politiques et la climatologie aujourd'hui. Ou très peu. Il y a une exception, peut-être. C'est hors de ce cas. Il faut aussi savoir que, par exemple, on dit souvent que le GIEC est alarmiste. C'est tout le contraire, puisqu'il fait des méta-études de rapports qui sont déjà passés par des biais d'ensemble qui visent justement à rassurer l'opinion publique. Le GIEC a plusieurs années de retard sur l'état de la publication des publications scientifiques. Et c'est aussi pour ça, aujourd'hui, que quelqu'un comme Pablo Servigné ou comme moi, essayons de faire des récits, de produire des récits pour alerter l'humanité, parce qu'il nous reste très peu de temps pour réagir. Donc la collapsologie est avant tout un storytelling qui a pour vocation à se substituer aux autres storytelling concurrents que vous dénoncez, comme ceux de l'économie de marché, de la société productiviste, etc. Je comprends. Alors, si vous entendez que l'économie est un storytelling, c'est en quoi je vous rejoins. Oui, c'est un storytelling concurrent à l'économie ultralibérale. Une autre question pour ça peut se vivre comme ça. Voilà. Alors, mais justement, puisqu'on parle de cela, autre question, puisqu'on trouve beaucoup Vincent Mignereau dans les rangs de ceux qui se nomment collapsologues ou qui décrivent en tout cas cet effondrement systémique comme imminent. On trouve beaucoup d'écologistes, de partisans de la décroissance. Est-ce que la collapsologie est aussi une idéologie? Alors, bon, je suis positivement surpris que vous ayez évoqué la pseudoscience aujourd'hui, et je vais me permettre de rebondir bien sûr, en évoquant la post-vérité, hein, puisque c'est aussi un terme à la mode. Et l'intitulé de l'émission que j'ai vu passer sur Twitter tout à l'heure était « Existe-t-il une science du pire ?» Tout à fait. Alors moi je vais vous répondre, existe-t-il, et je vous posais la question, existe-t-il une science de l'évitement ? Et c'est le diagnostic que je propose dans mon ouvrage Transition 2017. Il est possible, dans un objectif de narration, pour porter nos sociétés, ou porter en tout cas nos sociétés telles qu'elles sont croissancistes, il est possible que l'écologie contemporaine, politique et scientifique, se soit construite sur un raisonnement à rebours. L'écologie dit, il est possible d'agir pour protéger l'environnement. Mmh. Or, nous avons trois problèmes avec cette assertion. Il est bien probable que l'environnement n'ait qu'un seul problème, c'est que nous agissions sur lui. Et que nous agissions sur lui à la hauteur de l'énergie que nous déployons pour le faire. Nous avons un autre problème, c'est que la protection de l'environnement est exactement interpellée l'hubris chez nous. Mm-hmm. L'environnement, la nature, la vie ont parfaitement réussi sans nous pendant 14 milliards d'années, arrivé maintenant à la fin de l'histoire, en tout cas. 14 milliards d'années, on n'attestait pas de traces de vie au début de l'univers. Pardon. Tout de même, 4 milliards et demi. 4 milliards pour la Terre. Et demi d'années, j'ai confondu avec l'histoire de l'univers, c'est bien ça. Sûr. On en parlait hier, figurez-vous. Mais concurrentiellement, disons que le succès de l'humanité pour protéger la vie est tout à fait relatif. Et la troisième partie de cette phrase-là, c'est l'environnement. L'environnement est une construction culturelle. Il n'existe pas en tant que séparation intrinsèque de l'humanité et de la nature. Ce studio-là a été construit sur un lieu où il y a 10 ou 12 000 ans, il y avait des arbres, des grenouilles, une rivière et des rhinocéros peut-être. Et nous sommes aujourd'hui le résultat de cette destruction. Donc si vous voulez agir pour protéger l'environnement, c'est potentiellement trois fois faux dans les faits. Par contre, cela, nous l'avons développé comme une croyance. Et les résultats, ce qui est remarquable dans cette discipline, dans l'écologie politique et scientifique, c'est qu'elle n'est sanctionnée par aucun résultat. C'est-à-dire, comme vous l'avez très bien rappelé, nous observons factuellement la destruction de l'environnement. Et l'écologie scientifique et politique continue sur la même lancée, celle de sa narration, positive mais artificiellement positive, celle de son raisonnement à rebours. Et elle est, on pourrait le dire, quasiment dans une compulsion de répétition. C'est-à-dire qu'elle répète les mêmes schémas. Nous avons un gros problème avec l'environnement. Augmentons notre action sur l'environnement, ce qui est un paradoxe thermodynamique, oserais-je le dire. Néanmoins, alors je vais pointer un élément du doigt pour vous apporter la contradiction, puisque c'est mon rôle. Par exemple, l'écologie politique a pu enregistrer notamment un succès sur la réduction de la couche d'ozone en interdisant de façon politique, donc l'écologie politique en l'occurrence, les gaz type CFC. Et on constate aujourd'hui et les études constatent que ça a un impact direct sur la couche d'ozone. Donc, malgré tout, il y a tout de même quelques exemples qui vont à l'encontre de ce que vous venez d'exposer. Effectivement, pour rebondir sur cet exemple précis, la science écologique utilise beaucoup des exemples isolés pour justifier tout le reste. Malheureusement, dans une justification du résultat, les systèmes isolés, bon, pour faire court, les systèmes isolés, ça n'existe pas. Et la différence fondamentale entre notre problème écologique aujourd'hui et la résolution de ce problème ponctuel sur les CFC, qui d'ailleurs n'est pas complètement résolu, on verra qu'il y a de nouveaux gaz qui impactent l'atmosphère, l'ozone en tout cas, qui sont émis. Ce raisonnement de façon isolée, pardon, j'ai perdu le fil de ma pensée. Sur le CFC, le fait que ce soit un raisonnement isolé qui justifie le reste d'un storytelling écologique. Les CFC, c'était le résultat du fonctionnement, les résultats de la dissipation d'énergie. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est notre dépendance à l'énergie et les effets qu'ont notre action sur l'environnement. Les CFC sont causalement postérieurs, donc nous pouvons travailler à résoudre le problème. Notre problème énergétique est à la source de notre problème. Mmh. Et ça n'est pas du tout causalement le même problème. Alors, je vais vous reposer la question que je posais à l'instant à Vincent Mignot, à Laurent Testo, est-ce que la collapsologie est également une forme d'idéologie politique, oui ou non, en quelques mots, parce qu'ensuite j'aimerais vous poser la question du constat qui peut être partagé et de la divergence entre le constat et l'analyse de ce constat. D'accord. Alors la collapsologie est un terme qui a été imposé dans le débat français par Pablo Servigne et Raphaël Stevens dans leur livre. Je ne le partage pas et à aucun moment je n'en parle. Je me situe hors collapsologie, même si je pense que mes objectifs sont assez sensiblement proche, voire largement identique à ceux de ses auteurs. Mais je ne veux pas m'inscrire dans cette idée de collapsologie. À la limite, je veux bien m'inscrire dans l'idée qui a présidé à la rédaction du livre Effondrement de Jared Diamond, qui est titré en anglais Collapse, qui est un succès planétaire qui montre bien l'inquiétude d'un grand public mondial pour ces problèmes-là, qui était une étude qui a finalement quelque part révolutionné cette approche, puisque un biologiste de formation s'est mis à faire de l'histoire et de la géographie pour essayer de faire une grande histoire de la façon dont l'homme avait dont l'humanité avait altéré son environnement. Et ceci de façon transdisciplinaire pour avoir un regard global sur la longue durée. Et c'est cette démarche-là que j'ai reprise. Je trouve que Jared Diamond était séminal dans cette idée-là. Ce que je regrette, c'est que dans son œuvre, il se soit appuyé essentiellement sur bon nombre d'études qui étaient déjà datées. Il n'a pas fait un point sur la science environnementale de l'époque, de sorte qu'effectivement on peut critiquer Diamond ce que ses collègues se sont empressés de faire. Donc aujourd'hui, il s'agit à nouveau frais de construire une approche de ces idées-là, que l'on l'appelle collapsologie ou autre, le terme est peut-être mal choisi, il revêt peut-être des connotations qui ne sont pas celles que je partage, mais je ne vais pas m'en faire le défenseur, je n'en suis pas le propriétaire. On va avancer parce que j'aimerais tout de même, parce que encore une fois, la question que je posais, qui est le titre de cette émission, existe-t-il une science du pire, c'est-à-dire est-ce qu'on peut effectivement partir de l'ensemble de ces constats qui sont des constats reconnus que vous avez adressé l'un et l'autre sur l'état de la dégradation de l'environnement, mais pas seulement. On peut parler de l'augmentation exponentielle de la démographie, des questions liées à l'agronomie, c'est-à-dire comment finir par nourrir toutes ces questions, 10 milliards d'êtres humains ou 11 milliards d'êtres humains, les problèmes d'accroissement des inégalités, puisque dans la collapsologie, il y a aussi un volet, et on va en parler, économique et financier. Est-ce qu'on peut partager ces constats, mais ne pas partager l'analyse que vous en faites, à savoir dire que on est de toute façon dans un effondrement systémique qui est inéluctable et qui a déjà commencé, Vincent Mignot. Si vraiment la notion de collapsologie pose problème dans la définition, dans l'abord de notre crise existentielle qui est plus qu'une crise, eh bien il faut prendre le temps de bien redéfinir ce concept, quitte à ce qu'il se sépare d'éventuels biais d'interprétation. Voilà, c'est précieux, un concept, une nouvelle discipline, c'est précieux, ça met du temps à se construire, il faut certainement pas s'emballer. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire autour de cette table, vous noterez. Bon, voilà, je salue vraiment le travail de Pablo Servigne. Moi-même, j'ai mes réserves sur le concept de collapsologie, Pablo Servigne le sait, voilà. Toutefois, l'aspect transdisciplinaire, l'intention de la collapsologie, y compris même, je dirais, sur le côté intuitif, l'intention, je la partage. Mais restons vigilants, les problèmes sont systémiques, intriqués, inextricables, probablement, et ce que je disais à propos du gâteau tout à l'heure est vrai, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, nous confrontons par rapport au climat à une inertie telle que même cognitivement, nous n'arrivons pas à intégrer ce qu'il se passe réellement. Si je peux me prendre deux minutes pour parler de l'inertie climatique... L'inertie climatique, elle est estimée pour les études les plus optimistes entre 10 ans, c'est-à-dire le temps que met l'atmosphère à se réchauffer quand on émet une molécule de CO2. 10 ans, c'est la fourchette basse, et au plus long à 100 ans, mais juste pour la température, c'est-à-dire qu'on ajoute X molécules, il se réchauffe de temps, l'atmosphère se réchauffe de temps. 10 ans, simplement, il y a un petit biais par rapport à cette valeur, c'est que elle correspond à l'ajout d'une molécule, on mesure, ou X molécules. Mais il y a un effet cumulatif. Plus on ajoute de CO2 dans l'atmosphère, plus l'inertie est grande. Alors la valeur qui est la plus souvent retenue par les climatologues semble être celle de James Hansen, qui est autour de 40 ans. Mmh, oui, 40-50 ans. On avait parlé de ce sujet-là autour de la table. C'est 40-50 ans, c'est-à-dire que si on arrêtait aujourd'hui strictement d'émettre toute forme de gaz à effet de serre à la seconde, eh bien le réchauffement climatique, les effets du réchauffement climatique continueraient pendant entre 40 et 60 ans. Qu'est-ce que ça veut dire cognitivement et dans l'histoire que nous nous racontons? Ce que Laurent Testeau rappelle très très bien dans son ouvrage, c'est que l'histoire porte notre adaptation. Cela veut dire qu'aujourd'hui, ce que nous observons d'Ophélia, de la sécheresse en France... Ophélia, on parle de l'ouragan qui est passé au nord de, le nord de l'Europe et qui atterrit en Irlande. Absolument. En Irlande et en Écosse. Aujourd'hui, en France, l'état de sécheresse est dramatique. C'est fou, mais en Suisse, qui est un pays de l'eau, les villages et les villes qui sont autour du lac Léman pompent l'eau dans le lac Léman pour la première fois. On est en train de passer des seuils dramatiques. Ce que veut dire 40 ans d'inertie, c'est que ces résultats dramatiques sont le résultat des émissions de CO2 de 70-80. Si, comme vous le disiez, si nous arrêtons d'émettre, nous aurons un résultat éventuellement positif dans 40 ans, autour des années 2050. Donc notre décalage dans la narration que nous nous faisons de la destruction de l'environnement est psychologiquement et émotionnellement de 80 ans. Le constat est ancien, les résultats potentiels de notre action sont pour dans très longtemps, 80 ans de décalage. Donc l'histoire que nous nous racontons est primordiale pour intégrer tous les écueils cognitifs auxquels nous nous confrontons. Each morning a missionary of a tides with neon sign. He tells the native population that civilization is fine. And three educated savages holler from a bamboo tree. That civilization is a thing for me to see. So bongo, bongo, bongo, I don't wanna leave the Congo. Oh, no, no, no, no, no. Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle I refuse to go. Don't want no bright lights, false teeth, doorbells, landlords, I make it clear. No matter how they coax him, I'll stay right here. I look through a magazine the missionary's wife concealed. Magazine? What happens? I see how people who are civilized bung you with automobiles. You know you can get hurt that way, Daniel? At the movies they have got to pay many coconuts to see. What do they see, Donnie? Uncivilized pictures that the newsreel takes of me. So, bongo, bongo, bongo, he don't wanna leave the Congo. No, no, no, no, no. Bingo, bango, bongo, he's so happy in the jungle he refused to go. Don't want no penthouse, bathtub, streetcars, taxis, noise in my ear. So no matter how they coax him, I'll stay right here. They hurry like savages to get aboard an iron train. The Tringalingo Hula Humble Express. And though it's smoky and it's crowded, they're too civilized to complain. Aloka toho sahi mahena. When they've got 2 weeks vacation, they hurry to vacation ground. What do they do, Donnie? They swim and they fish, but that's what I do all year round. So, bongo, bongo, bongo, I don't wanna leave the Congo. No, no, no, no, no. Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle I refuse to go. Don't want no jailhouse, shotgun, fish hooks, golf clubs, I got my spears. So no matter how they coax him, I'll stay right here. They have things like the autumn bomb, So I think I'll stay where I am. Civilization, I'll stay right here. Civilization de Andrew Sisters et Danny Kaye sur France Culture à 16h35. Nous parlons tout au long de cette heure, en termes épistémologiques, de savoir s'il existe ou non, ou s'il est possible d'établir une science du pire. Nous en parlons avec Vincent Mignereau, qui est chercheur en sciences humaines, fondateur et président de l'association Adrastia, et Laurent Testo, journaliste, auteur de Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité chez Payot. Alors on va essayer de comprendre les raisonnements qui vous font aboutir l'un et l'autre à cette théorie de l'effondrement inéluctable, puisqu'on a entendu dans la première partie de l'émission que le terme collapsologie était un peu problématique. Parlons donc de cet effondrement inéluctable, de cet effondrement systémique. Peut-être pour commencer par une image qui est celle qu'on retrouve assez souvent quand on s'intéresse à ces questions-là, c'est celle de la grenouille dans la casserole d'eau. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, Vincent Mignereau? Ah oui, parce que nous baignons dans un environnement tellement artificiellement rassurant que nous ne rendons pas compte que... Alors, parfait, vous me permettez d'introduire un sujet très important aussi. Dans la narration que nous avons sur l'état des lieux et sur notre façon de nous l'approprier, il est parfois dit que nous ne ressentons pas le réchauffement climatique et que c'est un problème pour le prendre en compte et agir en fonction d'eux. Et bien, j'ai le sentiment tout à fait inverse. Je pense que si nous avons l'impression de ne pas ressentir physiquement, en termes de chaleur ressentie par les sens, si nous ne ressentons pas ce réchauffement, c'est parce que nous avons tout un tas d'interfaces techniques et psychiques qui nous en protègent. Nous ressentons parfaitement le réchauffement puisque, par exemple, à Londres, je crois, dans les années 2012 ou 2014, il a été montré que la quantité d'énergie dépensée pour les climatisations était passée à une quantité supérieure à la quantité d'énergie pour chauffer l'hiver. Voilà. Les climatisations l'été ont commencé à consommer plus d'énergie. Et cela montre que nous réagissons avec notre corps à un changement de température en moyenne. Nos vêtements, les lignes de vêtements qui sont vendues l'hiver et l'été, ont changé avec le réchauffement climatique. Ça veut dire que nous avons ressenti avec notre corps le réchauffement. Si nous étions des chasseurs-cueilleurs et que nous n'avions pas de bâtiments qui nous protègent du réchauffement, si nous n'avions pas de climatisation, nous aurions probablement déjà migré. Nous n'avons pas migré parce que nous avons des artifices techniques qui nous protègent. Une étude montrait que la société thermo-industrielle s'était développée sur une bande de température d'à peu près 13 degrés sur toute la planète, donc l'hémisphère nord à 13 degrés, parce que lorsque les ouvriers travaillent, ils sont plus performants à ce niveau de température moyen. C'est une attestation que notre corps ressent parfaitement tout notre environnement et le réchauffement, à mon sens, est parfaitement intégré. Mais nous nous en défendons par des artifices techniques et cognitifs. On parle beaucoup dans cet effondrement systémique depuis le début de cette émission de l'effondrement climatologique, de l'effondrement environnemental, entre guillemets. Or, Laurent Testo, ça n'est pas le seul effondrement qu'il faut prendre en compte dans cette conception que vous avez de l'effondrement systémique de notre civilisation au sens le plus large du terme. Alors, je pense que d'abord, les mots sont biaisés, c'est-à-dire, existe-t-il une science du pire? Moi, j'ai pas de réponse à cette question. Suis-je persuadé d'un effondrement imminent? Je pense que la probabilité est forte qu'il y ait un effondrement dans le siècle qui vient, mais ayant fréquenté longtemps l'histoire, je sais qu'il est extrêmement présomptueux de vouloir faire des pronostics. Ce que je sais, c'est qu'à plusieurs reprises, l'humanité a réussi à lever des cliquets malthusiens, c'est-à-dire qu'elle était confrontée à des limites environnementales et qu'elle les a levées. Mais à chaque fois, ça a été elle n'a subi un coût élevé, on pourrait en discuter. Mais vous pensez à quoi, par exemple? Alors, je pense, par exemple, à un moment, on est arrivé à 5 millions d'humains sur la planète, chasseurs-cueilleurs, c'était il y a 13 000 ans, et puis le climat se réchauffait, on se multipliait de plus en plus, on ne savait pas comment se nourrir. Et on a inventé une solution qui était l'agriculture, l'élevage, la domination du vivant. Voilà. Et ça a permis de lever un cliquet malthusien avec un succès phénoménal, puisque la population, en 10 000 ans, est passée de 5 millions à 240 millions. Voilà. Et ensuite, on a levé un autre cliquet malthusien, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure, en passant de 1 milliard à 7 milliards. C'est simplement en domestiquant encore plus le vivant avec des moyens de synthèse, avec l'industrie, c'est la révolution énergétique, la révolution industrielle. Voilà. Ça, c'était deux moments où on a levé des cliquets malthusiens, mais là, on est en train d'arriver à un autre cliquet malthusien. Et alors, regardez bien les espaces-temps. Pourquoi ne pourrait-on pas le lever, celui-là? Alors, parce que l'histoire s'accélère, tout simplement. Il a fallu 3 millions d'années de préparation pour lever le premier, des chasseurs-cueilleurs jusqu'aux paysans. On a eu 10 000 ans pour réfléchir au suivant, 12 000 ans pour réfléchir au suivant, qui était de passer de paysans à ouvriers. Et maintenant, l'ouvrier, il va devoir muter en autre chose, mais on ne lui a laissé que 200 ans. Donc, à un moment, dans cette course à la vitesse, dans cette course à l'expansion, dans cette course à consommer toujours plus de ressources sur une planète finie, nous allons peut-être perdre, et c'est peut-être ce moment-là qui pointe devant nous. Donc, il y a deux scénarios possibles. Il y a un scénario optimiste, c'est-à-dire que techniquement, à force de surenchérir sur la technique, alors je sais que Vincent réagira sur les lois de préservation de l'énergie, mais en attendant, il est possible que l'on change quelque chose, y compris une vision à la Elon Musk qui nous verrait coloniser d'autres planètes. Tout est possible, tout est sur la table, tout est envisageable pour le 21e siècle, parce que l'être humain a prouvé qu'il avait énormément de ressources, mais je crains malheureusement que cette fois, ça dépasse son ingéniosité, parce que là, le défi semble, de notre point de vue à nous, avec les connaissances qui sont déjà accumulées sur cette question, il semble insurmontable, effectivement. C'est pour ça, en revanche, on ne peut pas pronostiquer ce qui va se passer. On entend bien, pas de pronostic, mais de quoi parle-t-on, Vincent Minero, quand on parle d'effondrement systémique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire la fin de l'être humain, de l'humain en tant que civilisation? Ça veut dire la fin de la civilisation, encore une fois, si tant est que nous puissions nous définir comme une seule civilisation globale aujourd'hui? De quoi parle-t-on précisément? On parle d'un événement qui va profondément, effectivement, changer le fonctionnement interne de l'humanité. On parle de l'effondrement de la civilisation thermo-industrielle, ce qui n'est pas catégorique pour le fait qu'il existe d'autres types d'adaptations plus tard. Moi, je suis plutôt pessimiste sur ce point-là. Mais on parle en tout cas d'une déstructuration de la complexité de nos sociétés. Ça veut dire quoi, la simplification rapide d'un système complexe, puisque c'est ça l'expression retenue? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, tous les avantages que nous avons acquis. Alors, deux grands paramètres. Un paramètre démographique. Malheureusement, il faut absolument en tenir compte. Il y a un lien clair entre l'énergie qui est capturée par les société humaine et la démographie. Nous allons subir une chute démographique par la finitude des ressources, et il est fort possible, et même probablement inéluctable, qu'il y ait une régulation démographique. Donc c'est une forme de simplification, probablement, très probablement au cours de ce siècle. Et on parlera de toute autre forme de simplification technologique, administrative, sociale. Dmitri Orlov parle de 5 stades d'effondrement, financier, économique, politique, social et culturel. Nous ne savons pas à quel niveau nous allons nous arrêter, ça c'est imprédictible. Mais en fait, alors, pour être précis sur la méthodologie, l'avenir est intrinsèquement imprédictible, parce qu'il est probabiliste, hein, c'est sa nature même, chaotique. Mais la thermodynamique, elle, est déterministe. Et nous ne savons pas comment les choses vont se passer, mais selon la physique, il n'est pas évitable que nous ayons cette réduction des approvisionnements énergétiques. Oui, mais enfin, c'est compliqué d'appliquer les lois de la thermodynamique à un système aussi complexe qu'une civilisation humaine. Je ne sais pas, parce que si nous considérons que les structures dissipatives telles que les définit Prigogine sont toujours dépendantes de l'approvisionnement énergétique, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la plante dans votre salon, si vous fermez les fenêtres, elle va mourir. Nos sociétés ne font que transformer des ressources à partir de leur approvisionnement énergétique. Gaël Giraud, chef économiste à l'AFD, a parfaitement établi ce lien avec des tas d'autres chercheurs entre l'approvisionnement énergétique, le volume d'énergie qui traverse nos sociétés et le PIB. Voilà. Laurent Testo, cet effondrement systémique, comment est-ce que vous le concevez ou l'envisagez à l'aune de ce parcours d'histoire globale que vous retracez dans votre livre? Alors, on peut déceler plusieurs autres effondrements systémiques dans le passé, notamment un à la fin de l'âge du bronze et un à la fin de l'Empire romain, qui est presque simultané à un empire chinois, l'Empire des Han, qui s'effondrait 2 siècles auparavant. Ce sont des effondrements en cascade, comme un effet de domino, simplement parce que, comme l'ont diagnostiqué un certain nombre de chercheurs, des sociétés complexes n'ont pas su réagir aux atteintes environnementales et aux atteintes sociales que cela générait. Je vais prendre un autre exemple qui n'a pas forcément été un effondrement. C'est pour ça que la notion même d'effondrement, en fait, je vais faire une assise rapide et puis revenir à ce sujet. Nous avons tous en tête des visions bibliques d'effondrement, Sodome et Gomorre rasés par le feu, ou le déluge s'abattant sur le monde et rayant toute l'humanité de la carte en 70 jours. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Un effondrement, c'est une érosion qui, à l'échelle d'une vie humaine, semble peut-être lente. Ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 50 ans. Mais à l'échelle de l'histoire, de la pulsation des civilisations, et encore plus à l'échelle de la géologie, c'est un clin d'œil. Voilà. Et rétrospectivement, les Romains ont vu venir lentement l'érosion de leur civilisation, même la fin, mais ils ne pouvaient pas comprendre les processus à l'œuvre. Et de même, nous, nous peinons à complètement formaliser tous les liens. Et ce que nous voyons, c'est une érosion lente de nos capacités, alors que effectivement, c'est un processus extrêmement rapide. Il sera connu. Nos descendants en sentiront les effets et nous-mêmes, nous allons en sentir les effets de notre vivant. Mais c'est quelque chose qui n'est pas soudain, qui ne va pas être soudain. On a bien compris qu'il n'était pas question d'apocalypse ou de changement brutal, de passage d'un état hanté à un état... Ça, c'est pour l'incise. Là où je voulais en venir, c'est que pour qu'il y ait un effondrement civilisationnel, il faut, un, des conditions environnementales, climatiques, etc., qui entraînent une tension dans une société, mais il faut qu'il y ait des failles dans cette société qui soient élargies, qui entraînent son effondrement, c'est-à-dire que, par exemple, le climat entraîne des famines, et que ces famines sont mal gérées par les élites, les États, et entraînent donc des troubles sociaux, des guerres, des invasions, et tout ça s'effondre. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre le milieu et l'humanité. Et ceci dicte le rythme de l'effondrement. Il sera d'autant plus rapide que les réactions humaines seront mauvaises. Mais Laurent Testo, est-ce qu'on peut vraiment mettre sur le même plan, est-ce qu'on peut vraiment comparer des effondrements de civilisations historiques comme celle que vous avez citée? Vous avez parlé celle des Romains, vous avez parlé celle de l'âge de bronze, vous évoquez aussi parfois celle de l'Égypte antique, des Mayas, à ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Est-ce que, à force de vouloir trouver des corrélations, on ne perd pas un peu de vue la spécificité de la crise que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, qui est une crise effectivement globale, pas limitée à un peuple, pas limitée géographiquement? Alors, les corrélations, elles ne sont pas physiques. C'est-à-dire que, par exemple, on n'a jamais eu un réchauffement aussi rapide dans le passé. On a eu en revanche des coups de froid. Par exemple, au XVIIe siècle, il y a eu un petit coup de froid lié à un certain nombre de conjonctions. Le petit âge glaciaire. Voilà, le petit âge glaciaire, conjonction de différents événements qui ont abouti à avoir une chute de 1 degré centigrade sur l'ensemble de la planète. À certains endroits, ça rimait avec 5 à 7 degrés de moins pendant une période qui s'est étendue jusqu'à 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, personne n'a pu récolter de quoi manger. Les gens se sont mis en route. Le petit âge glaciaire, en vrai on le fait commencer au 16e et on le fait terminer au 19e. Alors, ça a été très étendu dans le temps. Le petit âge glaciaire, il commence, il faudrait en référer à mon livre, selon différents chercheurs, il commence au 14e et se termine à la fin du 18e, mettons. Moi, je le fais courir de 1275 à partir de dates précises en Asie. Voilà. D'accord, il y a un cœur très précis de ce petit âge glaciaire qui est le moment le plus froid de l'histoire de ces 10 000 dernières années. Et ce moment-là a entraîné une onde de choc planétaire où les sociétés se sont déchirées pour la survie. Elles n'ont pas su réagir correctement. Cela, je le décris également dans mon livre, alors que je parle quasiment pas des Mayas ou des Égyptiens. Mais je parle bien de ces événements-là. Je décris en détail le petit âge glaciaire et les conséquences qu'il a eues. Cela montre comment réagit une société confrontée à des stress. Et le stress que nous allons subir, on le ressent déjà, parce que les gens qui sont dans les pays qui seront le plus exposés à ce réchauffement climatique, à savoir l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, commencent déjà à prendre des mesures pour s'en sortir. Si on commence à avoir des troubles sociaux de plus en plus importants, des migrations de plus en plus importantes, et ce n'est que le début, c'est parce qu'il y a une connaissance qui s'est mise en route et que ces gens-là savent très bien ce qui les attend s'ils restent là où ils sont. Il nous reste un petit quart d'heure. J'aimerais tout de même qu'on dise peut-être un mot avec vous, Vincent Mignereau, de cet effondrement. En fait, il y a un article. On va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission, qui est un peu une étude fondatrice. Vous allez me dire si je me trompe, qui est l'étude publiée dans le magazine Science en 2015, qui pointe 9 limites planétaires à ne pas dépasser. Sur ces 9 limites, il y en a 3 qui sont déjà dépassées, 4 qui sont bien avancées et 2 qu'on a encore un peu de mal à jauger. La question, c'est aujourd'hui, comment faire, une fois qu'on a posé ce postulat d'effondrement systémique et des conséquences que vient de décrire Laurent Testo, sociales, économiques, la fin de ce que vous appelez la civilisation thermo-industrielle. Finalement, c'est un constat, soit, et après. Alors, je vais reprendre un slogan publicitaire. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée, ça? Vous allez voir, vous me direz si c'est une bonne idée. Sans maîtrise, la puissance n'est rien. Voilà ce à quoi sont confrontées nos sociétés, à un ensemble de stress. Paradoxalement, alors qu'elles sont encore approvisionnées par une quantité d'énergie phénoménale et qu'elles cherchent même à en produire encore par des voies détournées ou des voies de substitution, on pourra en parler, comme les énergies nucléaires ou les énergies renouvelables. Il faut estimer de la capacité de nos sociétés à prendre en compte ces neuf limites pour garder une forme, une structure cohérente alors qu'elles vont se confronter à ce que j'appelle une dynamique de négativité. C'est-à-dire, oui. Vous me permettez juste de redire pour les auditeurs les neuf limites qui étaient dans Science, le changement climatique donc, les trois qui ont déjà été franchis, c'est le changement climatique, l'augmentation des températures au-delà de 2 degrés, l'érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles biogéochimiques, notamment l'azote et le phosphore que vous évoquiez au moment de l'intensification de l'agriculture, quatre à des niveaux inquiétants qui sont la modification des usages des sols, l'utilisation d'eau douce, la diminution de la couche d'ozone et, il m'en manque un, et l'acidification des océans, et deux limites non quantifiables, la pollution chimique et la concentration des aérosols dans l'atmosphère. Voilà, je vous redonne la parole. Pour ne parler que de l'agriculture, nous avons une agriculture extrêmement puissante, mais elle n'est pas maîtrisée par rapport aux écueils auxquels elle va se confronter, c'est-à-dire, basiquement, l'appauvrissement des sols, la disparition de l'humus. Pour l'instant, elle fonctionne de façon totalement artificielle, avec des imports d'intrants qui font que les sols survivent, tant bien que mal, et que les plantes poussent. En période de déplétion énergétique, tous ces moyens-là de maintenir une agriculture maîtrisée vont aussi décliner. Donc la puissance que nous avons déployée ne servira plus à rien. Il faut donc réinvestir la maîtrise, c'est-à-dire l'intelligence au sens noble du terme. L'intelligence n'étant pas non plus une garantie de protéger quoi que ce soit, comme je le disais en début d'émission, mais une intelligence qui évite les aggravations systémiques, c'est-à-dire les emballements, le fait par exemple que la chute, une inondation quelque part provoque une famine ailleurs qui impacte les prix et qui provoque des famines par effet domino ailleurs. Ça, c'est un exemple d'effondrement systémique sur une sous-partie du fonctionnement de nos sociétés, mais un effondrement systémique peut toucher un serveur critique sur Internet qui fait tomber Internet et du coup fait tomber toute l'industrie par exemple, etc. Et alors je repose ma question, une fois qu'on a fait ce constat d'un effondrement systémique en cours, débuté, puisque vous prenez ce slogan publicitaire, l'idée c'est de dire que la machine est lancée à telle vitesse que de toute façon même si on mettait le pied sur le frein aujourd'hui, le délai avant l'arrêt de la course est de toute façon trop long pour éviter le mur. Vous m'autorisez cette expression l'un et l'autre, à peu près ? Oui. Oui, vous allez avoir moyennement convaincu, Laurent Testo. La question, c'est qu'une fois qu'on a dressé ce constat, vous ne croyez pas à des solutions technicistes, vous ne croyez pas à des solutions d'écologie politique, vous ne croyez pas à des solutions de prise de conscience collective. Or, c'est par ailleurs ce que vous êtes en train de faire via la collapsologie, puisque vous disiez tout à l'heure, on disait en début d'émission, que c'était un storytelling précisément pour alerter la population sur cet effet d'inertie de l'effondrement systémique. Laurent Testo, que faire ? Alors, que faire ? D'abord, prendre conscience de la chose. En 1962, Rachel Carson, une biologiste, a publié un livre qui s'appelait « Printemps silencieux » et qui a révélé que les campagnes américaines subissaient une chute de diversité à cause de l'emploi massif du DDT comme insecticide. Et ça a mené à une prise de conscience planétaire qui, 10 ans plus tard, a abouti à l'interdiction quasi totale du DDT sur la planète. On en trouve encore dans nos tissus, accessoirement. Mais c'était la première victoire de l'écologie politique et la dernière, parce que le storytelling, ensuite, des grands groupes industriels s'est mis de la partie, au point qu'on débat encore aujourd'hui de la pertinence d'interdire quelque chose qui serait sans danger, qui serait le glyphosate, en biaisant le débat, en fait. La question n'est pas, faut-il en finir avec le glyphosate ? La réponse est évidemment oui. La question est, faut-il en finir avec ce système qui, effectivement, mobilise de plus en plus d'intrants ? Parce que les sols sont déjà à bout. Depuis 20 ans, le rendement stagne, voire décroît, qu'on déverse de plus en plus de produits pour essayer de le maintenir. On est face à une limite physique. Oui, parce qu'on a commencé plus tardivement ce type de traitement sur certains sols et que les sols réagissent différemment, mais peu importe. Le constat est global, planétaire, il a été fait au XXe siècle déjà. Et la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, il y a deux solutions, mais il n'y en a plus. Je dirais qu'une qui est envisageable. La première solution, la plus sage, ce serait d'arrêter d'émettre, de se replier chacun sur sa ferme et d'essayer de vivre en autonomie. Mais on ne peut pas parce qu'on s'est habitué à vivre dans un système complexe et qu'on ne peut pas le démanteler. Ça serait infiniment trop compliqué. Une fois qu'une centrale nucléaire est lancée, vous ne pouvez pas appuyer sur un bouton arrêt. C'est beaucoup plus compliqué que ça. La démanteler devient quasi impossible. Et on est dans cette situation-là. La seconde, c'est de se dire, on va avoir des problèmes, on peut les étudier, on va mettre des budgets de recherche sous contrôle d'agences de l'ONU qui vont coordonner des actions étatiques pour savoir comment est-ce qu'on peut essayer de calmer ça. Comment est-ce qu'on peut essayer d'avoir une agriculture responsable à l'échelle planétaire? Comment est-ce qu'on peut essayer d'empêcher les gaz à effet de serre qu'on a déjà envoyés de réchauffer le climat? Il y a déjà beaucoup d'études, des ONG, il y a des associations, il y a des secteurs de la science, de la recherche qui travaillent précisément à ça, à redévelopper une agriculture vivrière, à redensifier la qualité des sols, etc. Enfin, je veux dire, c'est peanuts par rapport au chiffre d'affaires des grandes entreprises. Et les accords priment là-dessus. C'est-à-dire que, par exemple, on a signé un accord avec le Canada qui l'autorise à nous envoyer des tas de produits dont on ne peut même pas assurer la traçabilité par rapport aux produits employés, alors qu'on s'apprête peut-être à interdire le glyphosate ici. On autorise le Canada à nous inonder avec des produits probablement faits à base de glyphosate, ce qui est une injustice par rapport aux paysans français ou européens, et ce qui est également une absurdité. Vincent Mignereau. Dans l'association, nous nous interdisons quasiment d'utiliser le terme « solution ». Oui, c'est vrai, on se donne des gages quand on l'utilise. Nous parlons volontiers, beaucoup plus volontiers, d'aménagement. Mm-hmm. Et à mon sens, à notre sens, le défi est d'autant plus grand. Parce que dans le storytelling de l'écologie, à mon sens, lorsque nous parlons de solution, ce que ça provoque à tous les niveaux de la société, c'est une forme de réaction procrastinatrice. S'il y a des solutions, attendons, nous verrons bien. Vous ne pensez pas que la prise de conscience individuelle, que la démarche individuelle, que la prise de conscience collective et individuelle est précisément ce qui pourra à un moment donné bouger les limites des pouvoirs publics? C'est une forme de déresponsabilisation que de faire appel à l'individu qui a des moyens très limités pour changer quoi que ce soit. Je vais faire court. J'ai parlé tout à l'heure de lien entre énergie et PIB. En fait, la réponse à notre problématique écologique est binaire. La quantité d'énergie qui traverse nos sociétés, c'est la quantité de transformation de nos sociétés. Notre environnement souffre de la transformation de nos sociétés. La seule réponse qu'on peut donner, c'est réduire le PIB de nos pays. Nous sommes potentiellement dans une situation inextricable parce que le contexte... C'est un très beau sophisme que vous venez de nous faire, mais néanmoins, je vous le laisse. mais il est malheureusement... Alors, nous nous confrontons à ce sophisme-là dans le réel. C'est nous n'avons pas le choix. Si nous voulons protéger l'environnement, nous devons réduire notre PIB. Point. Et nous nous adapterons en fonction de la réduction de notre PIB. Alors ça ne pourra probablement pas être anticipé. Notre PIB va réduire, nous allons réduire notre impact environnemental, mais ça sera potentiellement a posteriori de l'enclenchement de cet effondrement dont nous parlons. Je rejoins totalement Vincent Mignereau là-dessus. On est dans un dogme, un récit qui est celui imposé par le néolibéralisme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut de la croissance. Les journaux, des radios s'ouvrent tout le temps sur le taux de chômage, la croissance qui doit revenir, on est en attente d'eux, alors que justement, on sait que cette croissance va être mortifère pour le 21e siècle et qu'il faudrait plutôt réfléchir à un monde post croissance, changer de récit. C'est par là que j'entends le travail sur le storytelling. C'est qu'il faut changer de récit dominant. Or, celui-ci nous obsède. Ce qui est intéressant, c'est que vous venez de répondre donc indirectement à la question que je vous posais il y a une demi-heure, à savoir est-ce que la collapsologie est une forme porteuse d'idéologie ? Manifestement oui, puisque vous êtes tous les deux d'accord pour dire que à l'heure actuelle, l'idéologie dominante n'est pas l'idéologie qui permet de sortir donc de cet effondrement systémique que vous décrivez. Alors, je ne sais pas si je construis en retour, enfin en opposition à l'idéologie dominante une autre idéologie, je n'en suis pas sûr. En revanche, le constat est clair, la réponse est binaire. Et on n'aura peut-être pas le temps de développer sur les énergies de substitution, mais si on s'en tient au rapport Meadows, si nous développons des énergies de substitution comme les énergies renouvelables ou le nucléaire, il est probable qu'elles s'additionnent aux autres, comme ça l'a toujours fait, voire qu'elles participent à leur renforcement et qu'on émette finalement plus de CO2 grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables, c'est ce que j'évoque dans mon livre. Et nous sommes en conclusion dans une situation potentiellement inextricable. Eh bien, excellente journée à l'écoute de France Culture. Vous pouvez reprendre votre consommation d'énergie pour aller lire sur Internet Transition 2017, réformer l'écologie pour nous adapter à la réalité. C'est l'ouvrage de Vincent Mignereau que vous pouvez trouver sur adrastia.com. Merci beaucoup également. Vous pouvez aller dépenser de l'énergie qui a été utilisée pour publier le livre de Laurent Testo, pour découper ses arbres et pour l'amener et le véhiculer jusqu'à votre librairie. Cataclysme, une histoire environnementale de l'humanité, c'est chez Payot. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique qui a dépensé de l'énergie pour préparer cette émission. Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Hugo Bartholomé, Céline Lezen, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Elisabeth Miro à la réalisation, Emmanuel Morse-Duncan à la technique et Elisabeth Cornescoto au droit d'auteur. Dans un instant, ce sera le dernier épisode de la série documentaire Faites sauter les banques par Rémi Douat et Assia Khalid. Et puis tout à l'heure, après le journal de 18h aux alentours de 18h20, la question qu'Hervé Gardette posera à ses invités du grain à moudre, l'école manque-t-elle de pragmatisme? Pour ce qui est pour ce qui nous concerne, eh bien demain nous parlerons notamment de la place des femmes dans la recherche et dans les institutions scientifiques. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.